Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au chapitre 20, nous allons le terminer. Et ça va être le dernier pour cette semaine. On va faire juste quatre vidéos cette semaine. On va garder le reste pour l'autre semaine. La semaine prochaine, il devrait en avoir aussi quatre. Et on va avoir terminé le livre de l'Apocalypse. Prions ensemble. Notre Père du ciel, ce matin, nous allons voir qu'il y a un trône dans le ciel. Et le trône est toujours le symbole de la puissance, de l'autorité. Et celui qui est assis sur le trône, c'est notre Dieu. Et c'est le lui, c'est seulement lui, qui a le droit de juger les vivants et les morts. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de ne jamais douter que tes jugements sont toujours justes et véritables. Même les jugements partiels qui ont lieu maintenant pendant notre vie, qu'on ne remette pas en question notre Dieu, ta justice, le bien fondé, la sagesse de tout ce que tu permets dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. C'est toi seul, le juste juge. Donne-nous de bien comprendre ce qui se passe dans ce texte ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps, tout de suite, de lire chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Jean voit un trône, et dans l'Apocalypse, le mot trône revient, si je ne me trompe pas, entre 40 et 50 fois. Le trône est toujours un signe de puissance et d'autorité. Et dans le ciel est souvent dépeint comme ayant des trônes. On a vu au chapitre 4, un grand trône sur lequel Dieu était assis. Au chapitre 5, l'agneau immolé était sur un trône. Et Dieu est sur un trône, toujours sur un trône. Et quand on lit l'Ancien Testament, c'est marqué, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Donc Dieu contrôlait, Dieu n'avait pas perdu les pédales, Dieu contrôlait ce qui se passait. Et le trône est un signe d'autorité et aussi un signe de jugement. Dans l'Ancien Testament, on emmenait les hommes et les femmes devant les trônes des rois pour qu'ils jugent. Vous vous souvenez Salomon, on y avait emmené les deux femmes avec leur bébé devant le trône de Salomon et afin qu'ils jugent. Le trône était un signe où était assis le juge. Et Jésus nous avait parlé dans Matthieu 25 du grand trône où il y avait un jugement. Et ici, il y a un trône. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Donc, il voit ça. C'est une vision qu'il a. Il est encore sur son île de Patmos. Il a des visions et il tentait d'écrire le livre. Et quand il a vu cela, il s'est aperçu en même temps que le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa face. La face de qui? La face de celui qui est assis sur le trône. Donc c'est le jugement dernier et tout ce qui était entaché par le péché, tout ce qui avait été sali par la mort et le péché et la colère de Dieu disparaissent. S'enfuit. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est fini pour cette place-là. C'est pour ça qu'on a vu dans Romains 8 que la terre soupire aussi après la délivrance, parce qu'elle était maudite par Dieu dès le paradis à cause du péché des hommes. Donc, au moment de ce grand trône blanc-là, de ce jugement dernier-là, le ciel et la terre, quand on parle du ciel, c'est qu'on ne parle pas de la résidence de Dieu, si je peux dire ça, on parle de l'univers, des astres, des étoiles, des soleils, de ces milliards de galaxies. Tout ça disparaît aussi vite que ça avait apparu. Slang. Hein? Avant, Dieu a fait cela slang, puis il fait slang, puis ça disparaît. Tout un pouvoir. Tout un pouvoir. Moi, je claque des doigts, il n'y a personne qui bouge. Mais lui, quand il décide que c'est fini, c'est fini. Et là, il dit, après avoir vu ce grand trône-là, et la terre disparaître, et les cieux disparaître, donc, il y a juste, on pourrait dire, un grand vide, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a plus rien. Et là, il y a un grand trône au milieu de la place, et il voit les morts. La mer rendit les morts, la mort, et le séjour des morts rendit les morts, et qui était en eux, chacun fut jugé selon ses devoirs. Donc, tous ceux qui sont morts reviennent à la vie. Petits et grands. Tout le monde vient devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Au moins trois, hein? Des livres et un livre. Et un des livres, c'est celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient avec elle, et la mort, les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, il y a un grand jugement qui arrive, et on se sort de livres. Le mot livre revient partout dans l'Apocalypse. Je pense 25 fois à peu près qu'on voit le mot livre, ou livre au pluriel. Petit livre, grand livre, livre rempli avec, scellé avec sept sceaux, toutes sortes de livres. Mais ici, il y a des livres qui contiennent la vie des hommes et des femmes. Il y en a que leurs noms sont écrits dans le livre de la vie, puis il y en a d'autres, on parle de livres dans lesquels leurs œuvres sont là. Et les gens vont être jugés selon leurs œuvres. Et nous, les chrétiens, on a de la misère un peu avec ça. On a crainte de ça un petit peu. Parce qu'on dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais la foi, sans les œuvres, est morte. Si tu montres des œuvres chrétiennes, des œuvres de la foi, c'est parce que tu as la foi. Si tu me dis que tu as la foi, tu vas avoir les œuvres de la foi. Et attention ici de ne pas mélanger le mot œuvre avec les œuvres religieuses. C'est les œuvres de la foi, les œuvres spirituelles de la foi, les œuvres de celui qui croit, des œuvres de celui qui s'est repenti. Donc, chacun va être jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, on prend ces places-là où ce que ces gens-là étaient et on les jette dans le feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le feu. Donc, il y a le livre de vie qui contient le nom de ceux qui sont écrits dedans, qui ont pris le sceau de Dieu, qui sont marqués de Dieu, qui n'ont pas pris la marque de la bête. Et eux autres sont avec Dieu. Avec Dieu. Ils sont mis sur un côté du trône, si je prends l'image de Matthieu 25. Et les autres qui leur nom n'est pas écrit là et que les autres livres parlent de leurs œuvres, eux autres sont pris et sont jetés aux autres aussi dans le feu. Toutes les personnes qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie et que les œuvres manifestent que leur nom n'est pas là vont être jetées dans le feu éternel, qui est la seconde mort. On avait vu hier que ceux qui étaient avec Christ, après la première résurrection, que la seconde mort n'avait pas de pouvoir sur eux, parce que leur nom était écrit dans le livre de la vie. Donc, à ce grand trône blanc-là, tout le monde est là. Dans l'image que j'ai, c'est tout le monde est là. Et ceux qui ont leur nom dans le livre de la vie sont, mettons, du côté droit de Dieu. Et ceux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, les autres livres sont ouverts et les œuvres qui sont marquées dedans démontrent qu'ils ne sont pas de Dieu, qu'ils ont pris la marque, qu'ils n'ont pas repenti, qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils n'ont pas loué Dieu pour leur salut, qu'ils ont essayé de se sauver par leur propre mérite, qu'ils ont été des idolâtres. Eux autres sont jetés dans le temps de feu et de souffle, là où ce que le faux prophète est, là où ce que la première bête est, là où ce que le diable est. Et c'est pour toujours et à jamais. Le grand jugement dernier. Le grand jugement dernier. À quelques reprises, mes frères et sœurs, le Nouveau Testament nous a parlé de ça. Dans les évangiles, Jésus en parle. Paul en parle dans ses épîtres. Du tribunal de Christ. Paul en parle de ces jugements derniers-là. Pierre en parle. Parce qu'il parle de la fin des temps. Et ce texte qu'on vient de lire nous décrit qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce chapitre 20, tout le monde ressuscite. Croyant et non-croyant. Tout le monde revient à la vie pour être jugé. Pour être jugé. Et condamné. Ou sauvé. Ou dans la présence de Dieu. Et n'ayons pas peur de dire qu'on va être sauvé selon nos œuvres ou on va être donné selon nos œuvres. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot œuvre? Surtout nous qui avons été élevés dans l'Église catholique, les bonnes œuvres, c'était de faire du bien, d'aider les malades, d'aller voir les gens dans les prisons, puis ce qui peut nous tromper un petit peu, c'est dans Matthieu 25. Il dit que s'ils sont sauvés dans Matthieu 25, ils sont sauvés à cause qu'ils ont aimé les enfants de Dieu, qu'ils les ont visités en prison, qu'ils les ont vêtus quand ils étaient nus, qu'ils ont nourri quand ils avaient faim. Et que dans Matthieu 25, ceux qui sont du côté gauche, les autres, ils n'ont pas aimé les enfants de Dieu, ils n'ont pas visité les enfants de Dieu, ils ont fait souffrir les enfants de Dieu, ils n'ont pas habillé les enfants de Dieu. Donc, c'est les œuvres. Les œuvres dont je parle vont manifester ma foi. Parce que les œuvres que je fais manifestent ma foi. Moi, qui est un croyant, je vais vouloir aider les croyants. Ceux qui ne sont pas des croyants veulent pas aider les croyants. Ils veulent les faire mourir. Toute l'Apocalypse nous a dit ça, qui ont attaqué les croyants. Les œuvres manifestent notre foi. Donc, ce n'est pas l'œuvre, mais la raison de l'œuvre. C'est la gloire de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont faire les mêmes œuvres, des fois, que nous autres on appelle, mais c'est pour se sauver eux-mêmes, au lieu de rendre gloire à Dieu. Ils vont aider des gens, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils vont aider les gens, parce qu'ils veulent devenir des enfants de Dieu. Ils essayent de gagner le mérite d'être un enfant de Dieu. Et ça, c'est un blasphème, c'est un mensonge. Donc, la question qu'on se pose ce matin, dans quel livre mon nom est-il marqué? Dans quel livre? Dans le livre de la vie? Ou dans d'autres livres? Qu'est-ce que mes œuvres démontrent ici-bas? Qu'est-ce que mes œuvres démontrent? Quand les gens m'écoutent parler, quand les gens me regardent vivre, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Est-ce que ma vie démontre que je suis un croyant? Si les gens qui me regardent devraient dire, mais en tout cas, lui, il pratique aucune religion. Il pourrait dire ça, même si je n'ouvre pas ma bouche. laisse ma bouche fermée. Il dit, ben, si je le suis tous les jours de sa vie, 7 jours par semaine, il ne pratique pas de religion. On ne le voit pas pratiquer une religion. Il pourrait au moins dire ça. Il n'y a pas une statue à quelque part sur la, devant laquelle il se met à genoux. Il n'y a pas, il semble pas avoir de rituel dans sa vie pour plaire à un certain Dieu quelconque. Et si on m'écoute parler, de qui est-ce que je parle? Est-ce que je parle de moi? Ou si je parle de Dieu, de Jésus, de son œuvre? Que la gloire de Dieu puisse être manifestée en nous. Comment? Parce qu'on est des gens qui glorifient, qui louent le Seigneur, dans toutes sortes de petites occasions de la vie. De toutes sortes de façons. Quand on parle de la création, quand on parle de la fin du monde, quand on parle de la vie ici-bas, quand on parle de nos enfants, quand on parle de ce qui est juste, de ce qui est bien, on parle de Dieu. On cite Dieu. On dit Dieu a dit. Notre Père du ciel, merci que nos noms sont dans les livres de la vie. Merci que, à cause que notre nom et dans les livres de la vie, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur nous. Nous ne serons pas jetés dans le feu et le souffle, dans l'enfer. Mais nous habiterons avec toi pour l'éternité, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres que nous allons voir la semaine prochaine. Seigneur, merci que c'est toi qui as l'autorité et c'est toi qui juge. Je me juge pas moi-même, comme dit Paul. C'est Dieu qui me juge. Que je me déclare, moi, bon ou mauvais, ça n'a pas d'importance. C'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que mes œuvres révèlent? En qui est ma foi? Me suis-je repenti? Merci, Seigneur. Que ce texte, encore une fois, nous aide à persévérer et à t'adorer. Au nom de Jésus. Amen.